Conte de fées en français. Les trois princes. Il était une fois, dans le royaume de Lankert, vivait un roi qui s'appelait Omat. Il avait trois fils, Odin, Oscar et Oliver. Odin était l'aîné et adorait peindre. Il passait tout son temps dans les bois du royaume où il créait de magnifiques peintures. Le deuxième prince, Oscar, bien que talentueux, était très inconstant, car parfois, il voulait être peintre ou médecin ou même parfois danseur. Le plus jeune, Oliver, était gâté et méchant. Il piquait des colères sur les servants et n'était jamais satisfait de leur service. Le roi Omat était très inquiet. Ses trois fils étaient adultes, mais aucun n'était prêt à prendre de quelconque responsabilité. Un jour, il décida de les appeler pour leur parler. Oui, papa, tu voulais nous voir. Oui, voyez-vous, mes enfants, j'ai servi ce royaume comme j'ai pu. Et maintenant, j'aimerais voyager pour découvrir le monde. Du coup, j'aimerais vous passer le flambeau des responsabilités. Papa, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas encore trouvé ma vraie vocation. Je suis toujours en train de chercher des réponses et j'aimerais vraiment qu'on ne me mette pas la pression. Mais Oscar... Désolé, papa. Odin, Oliver. Papa, je sais que tu penses que je suis prêt à endosser des responsabilités. Et honnêtement, moi aussi. Mais je ne suis pas l'aîné. Alors ça devrait peut-être être à Odin de le faire. Oui. Mais tu pourrais peut-être aider, non? Non, merci. Je préfère continuer de passer du bon temps avec mes amis plutôt que de faire du travail administratif. Sur ces mots, Oliver partit. Le triste roi Omat se tourna alors vers Odin. Odin, mon premier-né, aide ton père. Papa, je te l'ai déjà dit. Je n'ai aucune envie de devenir roi. Je suis désolé de te blesser, mais je veux aller à Rome pour devenir peintre. Le cœur lourd, Odin se retourna et s'en alla. Dès qu'il eut passé la porte, Omat eut un regard noir de colère. Je savais que ça ne marcherait pas. Mes fils ne sont pas du tout des garçons qui se font prendre par les sentiments. J'aurais dû simplement leur donner des ordres et c'est tout. Alors, de derrière un chandelier sortit une petite fée. Elle s'appelait Kito. Du calme, mon roi. Pour toi, c'est facile à dire. Tu n'as pas la dure tâche de convaincre trois jeunes adultes de gouverner tout un royaume. Pourquoi ne les prendrais-tu pas à leur propre jeu, alors? Et comment comptes-tu faire ça? Ça a l'air drôle, en fait. D'accord, Kito, faisons ça. Le jour même, le roi alla voir Oliver. Hello, Oliver. Tu admires ton épée, je vois. N'est-elle pas magnifique, papa? Et elle brille. Mais à quoi sert une épée qui brille, mais qui ne servira jamais à rien? Quoi? Bien sûr qu'elle servira un jour. À qui? À toi? Mon fils, tu as seulement 19 ans. À ton âge, j'étais fort et courageux. Mais toi? Bon, ne t'inquiète pas, tu finiras par être prêt quand tu auras... 60 ans. 60 ans? J'espère devenir roi bien plus jeune que ça. Un roi qui ne veut même pas passer par l'entraînement pour devenir roi? Mon fils, de cette façon, le chemin est encore très long avant que tu ne deviennes roi. Comme je l'ai dit, ce sera vers tes 60 ans. Oliver fut choqué de découvrir ce que son père pensait de lui. Il était en colère. Alors, ça a marché. Aussi facile que de voler un bonbon à un bébé. Il est tout secoué. Ce n'est pas drôle du tout. Alors j'espère que ton plan va marcher. Ça ira. Et de un, il en reste encore deux, mon bon roi. Le roi alla voir son deuxième fils et trouva Oscar entouré d'un tas de pots de fleurs. Papa, regarde, j'ai trouvé un nouveau loisir, le jardinage. Cool, non? Oh, eh bien, mon fils, je suis venu te dire que je ne te forcerai pas à prendre en charge les responsabilités royales. Vraiment? C'est génial! Ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que tu n'es pas fait pour être roi. Un roi est toujours sûr de ce qu'il veut faire. Quoi? Mais je suis sûr, je crois. Bien sûr, je suis sûr que le peuple adorerait avoir un gouverneur qui ne sait se décider entre être le roi ou le bouffon du roi. Allez, profite de ton nouveau loisir, mon fils. Salut! Il pense que je ne suis pas assez sûr de moi? Très bien. Dès demain, je vais faire ce qu'il faut pour lui prouver le contraire. Et finalement, le roi alla voir son dernier fils, Odin. Waouh! Vraiment magnifique! Oh! Pourquoi? Merci, Odin. Je ne savais pas que j'avais encore la côte comme ça. Oh, désolé, papa. Je parlais des rosiers juste derrière toi. Peu importe, Odin. Je suis venu te demander si tu aimerais peindre autre chose que les bois, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes peintures des bois? Eh bien, à chaque fois, il y a tellement d'arbres et de buissons et encore des arbres. Pourquoi ne pas essayer de peindre des montagnes, des paysages, quelque chose de différent? Quelque chose qui serait pour toi un défi. C'est une super idée. Demain, je partirai peindre de nouveaux endroits du royaume. Merci pour ton soutien, papa. Oh, oh, oh, oh, c'est normal de la part d'un père. Maintenant, à ton tour, Kito. J'ai fait ma partie. Le lendemain, Oliver se déguisa et quitta le palais en marchant. Ah, je vais montrer un peu à mon père. Cependant, il ne remarqua pas que Kito était en train de le suivre. Peu après, il croisa le chemin d'une vieille dame qui portait un panier de pommes. C'est ma chance! Youpi! Oh non! Jeune homme! Pourrais-tu m'aider? Moi? Mais c'est toi qui l'as fait tomber. Oh, comme c'est méchant! Même le roi serait plus gentil que toi. Cela prit de court le jeune prince, car personne ne lui avait encore jamais parlé comme ça. Excusez-moi. Au moins tu t'excuses, dites donc. Oliver était si confus qu'il se mit à ramasser les pommes sans s'en rendre compte. Eh bien, tu vois, tu m'as aidé, merci. Elle lui fit un grand sourire et s'en alla. Oliver continua à errer, mais cette fois en grande réflexion. Ces soldats ont une discussion très intéressante. Amenons-y notre bébé prince. Hi-ya! Oh, mon épée! Épée? Oh, des soldats! Oliver s'approcha pour écouter leur conversation. Que fait-on maintenant? Tu penses qu'ils vont attaquer? Je ne sais pas, mais on devrait faire profil bas. Profil bas? Mais quand il y a un ennemi, on attaque. Qu'est-ce qui lui prend à ce gosse? On ne peut pas simplement attaquer un ennemi. C'est ça! Car si ça nous mène à la guerre, pense un peu au peuple du royaume. Laisse tomber, petit. Ces choses-là se décident entre le roi et son armée. Et les princes aussi. En entendant cela, Oliver eut vraiment honte. Je ne savais pas qu'il y avait autant à apprendre. Papa s'occupe vraiment de toutes ses responsabilités tout seul? Oh. Ça marche! Allez, au suivant! Oscar était sorti traîner dans un autre coin du royaume. C'est si excitant. Oh, un peintre. C'est sûr que je vais pouvoir faire de meilleures peintures. Il continua son chemin, mais Kito vit soudain un groupe d'artistes qui étaient assis, l'air triste. Elle sourit. Oui. Oscar entendit le son et alla jusqu'à eux. Des artistes! Mais pourquoi êtes-vous donc si triste? Eh bien, notre roi a invité des gens importants des royaumes voisins. Mais nous avons le sentiment que notre danse n'est pas suffisante. Nous voulons offrir aux invités un spectacle grandiose. Oh! Je danse assez bien, vous savez. Je peux vous aider. Alors, il dansa et leur enseigna aussi. À la fin, tous les artistes avaient retrouvé un esprit positif et étaient prêts pour le spectacle. Merci, jeune homme. On avait vraiment besoin de ça. On espère que tu viendras voir le spectacle. Au revoir. Oscar se sentit très heureux d'avoir pu aider des gens en utilisant ses propres talents. Si j'utilise mes autres talents pour aider plus de gens, alors peut-être que diriger le royaume ne serait pas une si mauvaise idée. Oui! Allez, plus qu'un! Kito chercha alors Odin et le trouva assis près d'une rivière. Oh non! Je devrais le faire aller dans un autre endroit! Ah! Cet endroit est incroyable! Et j'ai presque fini de tout peindre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à... Maintenant! Oh! Oh non! Ma peinture! Il y a plein de boue! Oh! Je vais aller ailleurs. Alors, il porta son matériel de peinture et s'en alla. Oh, ici, ça a l'air bien. Pas de caprice du climat, ici. Il se mit à peindre et il avait presque fini quand un homme portant un seau d'eau passa aussi par là, à pied. Plus près? Plus près? Maintenant! L'eau du seau se renversa complètement sur la peinture. Odin était maintenant furieux. C'est pas vrai! Je veux juste peindre une très belle scène tranquillement. Je suis vraiment désolé, jeune homme. Mais si tu veux peindre une scène vraiment jolie, je peux te dire où aller. C'est un endroit fait de prairies bien vertes et de jolies mares dans laquelle nagent des cygnes. Ça a l'air superbe. Dis-moi, où est-ce? L'homme dirigea Odin jusqu'à l'endroit en question et il se dépêcha d'y aller. Je suis enfin arrivé. Enfin. Mais attends, il n'y a rien d'autre ici que des terres desséchées et des broussailles. Cet homme m'a trompé. À cet instant, une jeune fille arriva en marchant par le même chemin. Hey, petite, peux-tu me donner la direction de cet endroit où il y a des belles mares dans lesquelles nagent des cygnes? C'est ici. Enfin, ça l'était, avant que l'endroit ne soit touché par une terrible famine et que les gens pauvres aient dû partir. Le roi ne se préoccupait pas de nous. Tu te trompes. Le roi est très concerné. C'est juste que personne ne l'aide. Odin réalisa soudain ce qu'il était en train de dire. La fille n'était pas intéressée, alors elle s'en alla. C'est terrible. Un bel endroit comme ça, ruiné, alors que mon pauvre papa s'était donné tant de mal. Enfin, mon travail est terminé maintenant. Pendant ce temps, au palais, le roi était assis tout seul et rêvait de ses vacances. Oh, un soleil chaud, des rivières tranquilles, une douce eau de coco. Oh, quand est-ce que mes enfants diront qu'ils sont prêts? Papa! Papa! Nous sommes prêts! Hein? Quoi? Ok. Papa, on a voyagé dans le royaume et on a vu comme tu le dirigeais bien. On a vu aussi que tu avais sûrement besoin d'aide et... On est enfin prêt à prendre nos responsabilités. Le roi était si ému qu'il versa une petite larme. Oh, mes enfants, je savais que vous comprendriez. Et ainsi, les trois princes s'associèrent pour régner sur le royaume. Ils se débrouillèrent assez bien, car ils étaient déjà intelligents et apprenaient très vite. De son côté, le roi profita de la vie à traîner sur les plages sous un doux soleil chaud. Oh, c'est vraiment le top ici. Et cette eau de coco est tellement bonne. Pas vrai, Kito? Oh, c'est bien vrai, Votre Majesté. C'est bien vrai, oui.